penser à notre cher et beau pays. Nous allons soumettre toutes choses sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Nzambe, oui, Zali Kolo. Nkolo, le missionnaire dans la mboka, a contrôlé des tailles nyons. Allant de la nyons, pour qu'on puisse apposer à la carte de la vie. Alléluia. Soya malamu e sono andato con il colo. Se vuoi abbattere la fa, abbattere la. La facilità è vostra. Poi è solo una stanza lì. E come la fortuna che attacca a voi. Je te recommande ton peuple, de ta main puissante qui a triomphé de toutes choses. J'assure chacun d'eux, ô roi. Tu es le Dieu de départ et le Dieu d'arrivée. La Bible dit que le pas de celui qui marche n'est pas en son pouvoir. Protège tes enfants. Ils sont venus célébrer ton nom. Ils sont venus contempler ta gloire. Oh, que l'ombre de ta présence les couvre entièrement. Passez la mon colonne à mon colonne. Vous suivez le reste à la boutou malam. Mon colonne à l'obie.